L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Le pulsar X, le plus brillant, vient d'être débusqué dans la galaxie NGC 5907, située à 50 millions d'années-lumière. Sa luminosité est plus de 1000 fois plus forte que ce qui paraissait possible pour un pulsar de ce type. Cette découverte a été effectuée par le télescope européen XMM Newton. Cette source X, classée dans les sources ultralumineuses, a été observée à plusieurs reprises durant les 13 dernières années, et la découverte d'un signal pulsé avec une période de 1,13 secondes montre sans doute possible qu'il s'agit d'un pulsar, une étoile à neutrons en rotation. La pulsation en rayon X a également été observée par le télescope américain New Star. Les spécialistes pensaient jusqu'alors que seuls des trous noirs d'une dizaine de masses solaires ou des trous noirs de masse intermédiaire étaient capables de produire une luminosité aussi intense en rayon X, en accrétant de la matière d'une étoile compagne. Gianluca Israel de l'Observatorio Astronomica di Roma et son équipe ont été surpris de découvrir la pulsation signant sans équivoque la nature différente de cette source. En parcourant les données archivées sur plusieurs années, les astronomes ont par ailleurs découvert que la période de pulsation du pulsar avait fortement diminué en l'espace de seulement 10 ans, passant de 1,43 secondes en 2003 à 1,13 en 2013. La rotation de l'étoile à neutrons s'est accélérée de 21%. Une telle accélération, si on l'appliquait à la Terre, produirait un raccourcissement de la durée du jour de 5 heures. Les pulsars peuvent changer de vitesse de rotation, et donc de période de pulsation, mais la variation observée ici est hors norme, et elle est probablement liée à la très grande quantité de matière que le pulsar est en train d'accréter et qui produit ce rayonnement X considérable, d'après les chercheurs. Mais sa luminosité est 1000 fois supérieure au maximum autorisé par la physique de l'accrétion autour d'une étoile à neutrons, la limite d'Eddington dont nous avons parlé récemment au sujet d'un trou noir. Pour donner une comparaison, NGC 5907X1, c'est son nom, émet autant d'énergie en une seconde que ce que produit notre Soleil en 3 ans et demi. L'équipe européenne, à forte majorité italienne, évoque les lacunes qui apparaissent dans les modèles d'accrétion de pulsars, qui ne permettent pas de décrire cette observation. Il se pourrait néanmoins, selon eux, qu'un jeu complexe de champs magnétiques très proche de la surface de l'étoile à neutrons fasse que l'accrétion de matière soit possible jusqu'à la surface, tout en produisant une luminosité extrême. Cet objet très inhabituel, de loin le plus extrême découvert par XMM Newton en termes de luminosité, de distance et d'accélération de pulsation, fournit donc un nouveau record et vient modifier nos idées sur le fonctionnement de ces résidus d'étoiles. De nombreuses sources X ultralumineuses pourraient ainsi être animées par des pulsars de ce type. L'article de Gianluca Israel et ses collaborateurs est paru dans Science en ligne le 20 février 2017 et il a pour titre « An accreting pulsar with extreme properties drives an ultra-luminous X-ray source in NGC 5907 ». Allez, restez bien à l'écoute sur le www.saspasselahaut.fr. Ça se passe là-haut ? Le blog où l'univers des sources X ultra-lumineuses se contemple indéfiniment. Vous retrouvez cette émission sur iTunes, sur PodCloud, sur Stitcher, sur YouTube, ainsi que sur le blog et sur tous les types de lecteurs de flux RSS que vous souhaitez. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Allez, salut !